J'arrive pas à trouver le... J'ai la banane. Ça, mais il est nul mon rythme. J'aimerais trouver des rythmes reggae sur EZ, mais j'en ai pas. Je picole et je suis pas malade. Ouais. job. Mais le patron, c'est un gros con, comme d'habitude. Allez, tiens, je vais râler sur son dos. J'ai même pas commencé à travailler, que déjà je commence à parler du salaire. Puis j'ai même pas gagné, mais c'est pas grave, ça me fait tellement du bien de râler. T Thérèse. Je ne sais pas ma cause. Could you be low? D'abord, tu dois te laver les mains. Entourée de roseaux, les jolies fleurs, les moineaux, les tourterelles et les berthereaux sont venus nicher dans mon hameau, près de ma cabane au bord de l'eau. Si tu veux le prendre, prends-le si tu veux. Ça, c'est mon adresse, Batochard. Faut que je t'envoie des MP3 qu'on a fait les morceaux ensemble. Super, il y a une dernière compo, là, elle est vachement bien. La dernière, là, ouais. Je t'envoie ça dès que. Envoie-moi un message à cette adresse et je te les envoie. Les blancs sont venus. Ben, ils sont sur Facebook, mais je n'étais pas sur Facebook. Pas. Tu vas sur Facebook, tu tapes Benjamin Nori. Et tu verras, ils seront en ligne. T'as écouté? Il y en a un que j'aime bien. Ouais, cool. Je me suis régalé. J'ai proposé un morceau à mon groupe, l'ancien groupe. J'espère qu'ils vont l'affaire. J'ai fait écouter au batteur du groupe. Je lui ai demandé ce qu'il en pense. something I don't understand. Tiens Coco, j'ai un truc pour toi, regarde. Il faut un texte. Oh, regarde. Three, four. Alors c'est parfait, on est là. Everyone they wanna send to my fight. And I'm a winning place. They don't be down until my trap. I was the one by party. Won't you get my mind out of my mind. And I'm a winning place. They don't be down until my trap. Je chante n'importe quoi. On s'en fout, tu vois. Il faut juste trouver des paroles là-dessus comme ça. Avec un petit rythme de reggae, ça peut être sympa. Alors quand tu veux mon gars, Abba Pawana Madazikina Mana Pada Basavana Pamaba Kena Mana. Fais la cabane, fais la cabane, fais la cabane. J'avais une cabane près d'un petit ruisseau. J'avais une cabane près d'un petit ruisseau. J'avais une cabane entourée de roseaux. Les jolies fleurs. Les moineaux, les tourterelles et les perdreaux sont venus nicher dans mon hameau, près de ma cabane au bord de l'eau. Des messieurs en cravate venus voir mon ruisseau. Des messieurs en cravate écartant les roseaux m'ont donné de leur franc nouveau pour que je quitte mes oiseaux. Pour que je quitte mes oiseaux. Ils ont mis une route sur mon ruisseau, une usine noire dans mon hameau. J'ai crié de colère, j'ai fait peur aux oiseaux. J'ai crié de colère, mais ils sont sourds, ces robots. Ne savent pas ce qui est beau, ne voient pas le vent sur l'eau, n'entendent pas chanter les oiseaux. De ma cabane au bord de l'eau, ma cabane au bord de l'eau. Y'a plus de cabane, y'a plus de ruisseau, y'a plus de cabane, y'a plus de roseau. Ont disparu mes gais moineaux, mes tourterelles et mes perdreaux sont partis au loin. Son parti à jamais, j'ai le cœur gros. J'avais une cabane près d'un petit ruisseau. J'avais une cabane entourée de roseaux. Les jolies fleurs et les moineaux, les tourterelles et les perdreaux sont venus. Dans mon hameau. Oh, papa, papa. Oh, papa, papa. J'ai mal aux doigts de jouer avec ma guitare. Heureusement, j'entends une autre guitare. J'aurais dû prendre la basse, tu vois, mais là, je dois m'en aller, je dois m'en aller. Wow, wow. Allez, vas-y, Mike, je t'écoute, mon gars. Oh, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. J'avais une cabane près d'un petit ruisseau. J'avais une cabane entourée de roseaux. Les jolies fleurs et les moineaux, les tourterelles et les perdreaux sont venus nicher dans ce petit hameau, près de ma cabane, au bord de l'eau. Des messieurs en cravate venus voir mon ruisseau, des messieurs écartant les roseaux, m'ont donné plein d'euros nouveaux pour que je quitte mes oiseaux. Ils ont mis une route sur mon ruisseau, une usine noire dans mon hameau. J'ai crié de colère, j'ai fait peur aux oiseaux, j'ai crié de colère. Ils sont sur ces robots, ne savent pas ce qui est beau, ne voient pas le vent sur l'eau. Ils n'entendent pas chanter tous mes oiseaux près de ma cabane au bord de l'eau. Alors je dis à tous ces hommes qui viennent me faire chier, laissez-moi, laissez-moi respirer. Big up à tous ceux qui ont des cabanes au bord de l'eau et qui écoutent le chant des oiseaux. Dans vos villes ça n'existe plus messieurs, alors prenez le temps de vous promener, d'aller voir les petites cabanes. Aujourd'hui il n'y a plus de cabane, il n'y a plus de ruisseau, il n'y a plus de cabane, il n'y a plus de roseaux. Ils ont disparu tous mes oiseaux, plus de moineaux, de tourterelles et de perdreaux. Ils sont partis au loin vers d'autres coteaux, ils sont partis à jamais et moi j'ai le cœur gros. Ils sont partis loin tu vois, je suis triste maintenant. Oh papa. Des bananes, j'ai envie plutôt de. J'ai envie d'un peu de viande, un truc comme ça, tu vois. Faut arrêter de manger. Big up à Marseille! Big up à Marseille! Des êtres vivants. Ouais, faut bien que j'aille manger, mon petit bateau-char. Moi, je me suis pas levé à 10h, hein. Faut arrêter de manger. Les êtres vivants, ils ont le droit de vivre. Arrêtez de manger les êtres vivants. Je vais apprécier un bon steak quand même. bon steak. Mets-toi à sa place, mon gars, ton steak aussi je le mangerai bien. Je couperai un morceau de ton fessier, je le ferai cuire. Alors, au menu, et je rigolerai midi, bien. Vous allez tous manger. Mais toi, tu rigoleras plus. Et lasagne. Et si fin d'us. Et si je te mange. Veux pas des lasagnes fin d'us avec de la viande de cheval. De cheval. Et si je te mangeais, je te faisais cuire, mon gars. Je pense que tu trouverais pas ça amusant. Si je te mettrais avec des épices, je pense que tu n'auras pas la banane. Je vais te manger tout cru. S'écroula. Sa famille triste, ce petit animal n'avait rien demandé. Il voulait vivre, vivre, vivre tel un être vivant. Il voulait vivre. Tel un être vivant, il a été attrapé par des humains, séparé de sa famille, totalement perdu, totalement triste. Il ne sait pas ce qui se passe, qu'il va perdurer. En morceaux pour le manger, pauvre animal, pauvre animal. Des souffrances atroces, pauvre animal. Tranquillement. fessier, Mike, finira dans mon assiette. Avec des épices, des oignons, un peu de sel. Pour mes papilles gustatives, mon petit ventre, mon petit Mike. Oh mon Mike, je vais te couper. Petit fessier aromatisé. Star de la chanson, mon gars, je suis la nouvelle star de la chanson. Je suis la nouvelle star, nous sommes prêts à chanter. Nous sommes prêts à chanter, nous sommes les gars, nous sommes là. Je suis prêt à chanter pour toi. Je suis la nouvelle star de la chanson. Tu es la nouvelle star de la chanson. Les gens m'acclameront comme la nouvelle star de la chanson. Les gens m'acclameront comme la nouvelle star de la chanson. Ré mi fa sol la si do, ré mi fa sol la si, je suis la nouvelle star de la chanson. Ré mi fa sol la si do, je suis la nouvelle star. Ré mi fa sol la si do. Les manger. Je sors de la chanson. La nouvelle star de la chanson. On m'acclame dans la rue. On m'acclame dans la rue. On ne voit que par moi, car je suis la nouvelle star de la chanson. J'arrive à monter dans les aigus.